Chapitre 3e, en route. Néanmoins, il ne tarda pas à s'apercevoir que l'étiau dont son maître l'avait gratifié lui manquait. Les eaux du Mennam, celles de ses affluents de ce fleuve, couvraient à perte de vue la campagne, et pour atteindre un terrain élevé, exempt de l'inondation d'où l'on put gagner à pied les montagnes, les forêts de l'Est, il fallait prendre un bateau. N'ayant plus le moindre fouang, Goug allait se trouver emprisonné à Aljoutia, lorsqu'un mandarin allant en pèlerinage à Phrabat, un des lieux saints de Siam, et cherchant un rameur, lui proposa, le voyant en peine sur le bord du fleuve, de faire partie de l'équipage de sa barque, moyennant un bol de riz, du boisson et des bananes pour sa nourriture quotidienne. Il accepta, et vers le milieu du jour, il ramait dans l'embarcation du mandarin, heureux de cette fatigue qui, à ses yeux, le rendait plus méritant, plus digne de la tâche qu'il s'était imposée. Les rives du Mennam, si pittoresques, si belles, étaient animées et bruyantes. Des cris, des chants s'échappaient de toutes parts. C'est un des traits caractéristiques des populations des zones torrides d'aimer le tapage. Des gamins, s'essayant à diriger des barques, ou se jouant comme des poissons dans les eaux profondes, se poursuivaient jusque sous les traves de l'embarcation. Des insectes bourdonnaient, des oiseaux chantaient, le soleil dardait des rayons brûlants, l'horizon avait des teintes admirables. Assis sur des coussins, sous l'abri en paille de riz qui couvrait son embarcation, le mandarin excitait ses rameurs aux cris fréquents de « Ouah ! Ouah !» et aussi avec un rotin qu'il faisait brutalement tomber, de temps en temps, sur les chines de l'un ou de l'autre. Tungug, dont la complexion n'était pas forte, tâtait de ce rotin plus souvent que ses camarades. Pourtant, il ne se plaignait pas. Il avait peur seulement que les forces ne lui manquassent et que le mandarin, dont le cœur ne lui paraissait guère plus tendre qu'une pierre, ne l'abandonna en route, comme inutile et encombrant, sur une terre isolée de la rive au milieu du pays inondé. Par bonheur, la volonté, le courage, le sentiment le soutinrent. Et quoique accablé de fatigue, il arriva avec son patron d'occasion au village où l'on devait mettre pied à terre et d'où il allait pouvoir partir en exploration. Tandis que le mandarin entrait chez le chef de ce village pour en obtenir un éléphant, sur lequel il put se rendre à destination, Tungug se chargea de son sac et son bâton ferré à la main, s'enfonça sous bois dans la direction de l'Orient. « Enfin » exclama-t-il en dressant la tête avec soulagement et en regardant le ciel comme s'il eût dû y voir l'éléphant blanc et mât. Il marcha droit devant lui, impatient, nerveux, ne voulant plus perdre une heure, une minute, dévoré par la passion de réussir. Quand la nuit tomba, il cueillit sur son chemin quelques bananes, s'arrêta au pied d'un arbre, mangea de bon appétit et s'endormit bercé par le chant des cigales. À l'aube, il se réveilla au bruit de myriades d'oiseaux, martins pêcheurs, tourterelles, fauvettes, drongos, se frotta les yeux et regarda autour de lui. Il était en pleine solitude. Un terrain marécageux où croissaient pêle-mêle des bambous, des joncs, des arbrisseaux s'étendait d'un côté à perte de vue. De l'autre, le sol se relevait violemment et d'épais bouquets de bois le couvraient. « Si je l'ai trouvé ici, le seigneur éléphant blanc !» murmura l'Indien en souriant. Ce disant, il leva machinalement les yeux et resta pétrifié. L'arbre sous lequel il méditait tranquillement, sous lequel il avait passé la nuit, était hérissé de reptiles venimeux de la plus dangereuse espèce, de najats de grosse taille, enlacés les uns dans les autres, enroulés autour des branches, et balançant leur tête au-dessus de lui. À l'époque des inondations, à Siam, les serpents, chassés, ainsi que les autres animaux des terrains bas, se réfugient de préférence sur les arbres où ils ravagent les nids des oiseaux et attendent que les eaux se soient retirées. Alors, lorsqu'on se repose à l'ombre, sur la lisière d'un bois, il est imprudent d'oublier qu'on peut les avoir pour voisins, car ils sont de leur nature très agressifs, et le poison qu'ils instillent est si subtil qu'ils tuent en quelques instants. Tungug, en pensant tout à la fois à la mort horrible près de laquelle il avait dormi pendant 7 heures, et à celle qui le menaçait, eut une sueur froide abondante et sentit sa vue se troubler. Prendre son revolver et le décharger contre les reptiles, c'eût été s'exposer à être assailli immédiatement par ceux-ci. D'ailleurs, son revolver était enfermé dans son sac, et il jugeait impossible de l'en tirer sans exciter les najats. se sauver avec son bagage ne lui paraissait pas moins difficile. Néanmoins, c'est ce qu'il tenta avec toute la souplesse indienne. Au premier mouvement qu'il fit pour saisir son sac, les reptiles enflèrent le cou et le regardèrent avec une fixité terrifiante. Il s'arrêta. Le sac n'étant pas à portée de sa main, il fut obligé de l'abandonner. C'était une perte irréparable, mais mieux valait perdre son bagage que sa vie. Il essaya de ramasser son bateau ferré à sa gauche. Les Najas l'immobilisèrent une nouvelle fois en allongeant de ce côté leur corps jaune. Comprenant qu'il ne pourrait impunément se bouger, il prit le parti de ramper doucement, doucement, sur l'herbe où il était assis, de se traîner loin de l'arbre, sans secousse, sans soubresaut, sans bruit, et aussitôt, le front ruisselant, les dents claquant de terreur, il se glissa en avant avec une telle précaution que les serpents, ne s'apercevant pas qu'il changeait de place, restèrent quoi. Au bout de 5 minutes éternelles, il avait parcouru ainsi une douzaine de pas. Alors, se croyant suffisamment éloigné et incapable de résister plus longtemps à son émotion, il bondit comme un chat, en poussant un cri strident, et se sauva à toutes jambes, laissant les Najas, surpris de sa fugue subite, regarder stupidement l'endroit d'où il venait de s'échapper. Il ne reprit haleine que 400 mètres plus loin, devant un fourré du milieu duquel il crut entendre des rugissements de tigres. Était-il donc sorti d'un péril pour tomber dans un autre non moins effroyable? Il s'arrêta, évita d'éveiller l'attention des félins, et se recula vers l'endroit d'où il venait, dans la pensée de tourner à distance cet endroit, et avec le secret espoir de rentrer en possession de son bagage. Les reptiles ne pouvaient-ils pas se disperser subitement comme ils en ont l'habitude? Dans ce cas, il retrouverait son sac, qui devait lui être d'un si grand secours dans son dénuement. Il avait rétrogradé de 300 pas, quand un spectacle inattendu le cloua derrière une roche. Un rhinocéros, que les dents, les sangsues piquaient sans doute, débouché en grognant d'un coin du marécage, et courait à l'arbre serpent pour s'y frotter le cou et les côtes. C'était un unicorne de la grande espèce, long de 4 mètres, haut de 2, large à proportion, tel enfin qu'en nourrissent les forêts du royaume de Siam. Il avait dû ramasser des légions de parasites sanguinaires et incommodes en traversant une mare, en se vautrant dans la vase, car sa peau cornée est plus épaisse que celle d'un vieil éléphant, lui démangeait d'une façon si insupportable qu'il la racla à l'arbre au point de l'écorcher. Troublés dans la paisible possession de leur asile embranché, les Najas se tortillèrent avec irritation, se gonflèrent, sifflèrent, sans parvenir à intimider le rhinocéros qui continua à ébranler l'arbre de sa puissante masse, à le secouer, comme si c'eût été un simple bambou, à s'y gratter en grognant de plaisir, en poussant des soupirs de contentement. Deux des plus grands reptiles descendirent le long du stipe pour mordre au museau et chasser ce visiteur turbulent. Le rhinocéros les tua, en un clin d'œil, d'un coup de sa corne, et tout en continuant son agréable gratterie. Effrayés, les autres gagnèrent les hautes branches où ils s'enlacèrent et se groupèrent. Alors la scène s'accentua dans un sens extrêmement intéressant pour Tungug. L'arbre, agité dans tous les sens, balancé, remué, courbé, à demi déraciné, ne fut plus tenable pour les Najas, qui se détachèrent successivement les uns après les autres, tombèrent autour du pachyderme et furent écrasés sous ses sabots. Quand il n'en resta plus un seul vivant, le rhinocéros, ayant probablement calmé sa démangeaison, abandonna l'arbre et, content d'être soulagé, gagna, en trottant, des buissons, en apparence impraticables, dans lesquels il se fraya un passage. Tout cela avait duré quelques minutes. Tungug resta un instant encore derrière sa cachette. Voyant que rien ne bougeait aux alentours, il s'avança vers l'arbre et contempla l'œuvre de son allié imprévu. « Ah ah, fils du démon ! » s'écria-t-il en montrant le poing aux Najas pulvérisés. « Vous voilà châtié selon vos mérites. Que l'enfer vous garde à jamais dans ses entre-noirs !» Cette exclamation de soulagement poussée, il chercha des yeux son sac et eut la joie de le retrouver intact, sauf une déchirure sans importance. Un million de tios ne lui aurait pas causé une satisfaction plus vive. Il le ramassa, le tourna, le retourna, le visita, et le remit sur ses épaules, après en avoir extrait le revolver, qu'il jugea utile de porter à sa ceinture avec son couteau de chasse. Ainsi harnaché, sa hache d'une main, son bateau ferré de l'autre, il quitta son gîte de la nuit en se promettant d'être moins confiant à l'avenir et de choisir ses haltes avec autant de soin que de circonspection. Des fruits pendaient partout autour de lui. Il en cueillit 3 ou 4 en passant, mordit à même dedans, et enchanté que cette première aventure se fût terminée d'une manière favorable, reprit sa marche, alerte et gai, du côté où le soleil se levait, tout en se tenant sur ses gardes. L'expérience venait en effet de lui démontrer qu'il aurait à compter sur sa route avec des ennemis dont il ne s'était pas préoccupé, quoiqu'il pullule de l'Indochine à l'Hindoustan. D'après des rapports officiels, les animaux féroces et les serpents venimeux font périr annuellement en moyenne dans l'Inde anglaise 25 000 individus et 60 000 bestiaux. Nous citons les chiffres de 1879. Sur les 25 000 victimes humaines, hommes, femmes, enfants, 16 000 sont tués par les serpents. Et cependant, les Anglais encouragent la chasse aux animaux dangereux, et chaque année, 22 000 ou 23 000 carnassiers et 250 000 ou 300 000 najats ou vipères sont détruits par les indigènes. Les provinces de Siam, où l'administration royale laisse en paix les reptiles et les tigres, doivent nécessairement être plus infestées de ces hôtes à quatre pattes ou rampants que l'Inde britannique. Tungug le voyait dès les premiers pas et pouvait prendre ses précautions en conséquence. Après une étape pénible de 8 heures, pendant laquelle il se servit souvent de sa hache pour abattre les branches, couper les lianes qui l'empêchaient de passer, il fit provision de dourions, de mangoustans, d'ananas, examina attentivement le lieu où il était, et convaincu qu'il pouvait s'y reposer en toute sécurité, y installa son campement. Les oiseaux, les papillons et aussi les moustiques, qui sortent incessamment par milliards des marais, des rivières de Siam, remplissaient l'air de leurs chants ou de leurs bourdonnements. Il cassa une branche d'arbuste aux larges feuilles, se fabriqua un éventail pour se préserver des plus incommodes, se mit à table et mangea sa cueillette avec autant d'appétit que s'il se fût agi d'un bol de riz mêlé de poisson au curry. Rien n'est délicieux, il est vrai, comme l'ananas parfumé et fondant dans la bouche comme le dourion, ce roi des fruits, dont la péninsule indochinoise est si prodigue. Rien n'est plus exquis, plus agréable après une longue course et par une forte chaleur. Or, Tungug venait de faire 6 à 7 lieues sous un ciel de feu. Lorsqu'il se sentit reposé et rassasié, il entama un soliloque dont Ma et l'éléphant blanc firent les frais, et au milieu duquel il développa, sur une échelle infinie, la fable éternelle et de tous les pays, de la peau de l'ours ou du pot au lait, escomptant son succès, s'enivrant par anticipation de son bonheur auprès de la fille du roi devenue sa femme, distribuant des grâces, des faveurs, dotant des pagodes, entretenant des talapoins, vivant comblé d'honneur, de bénédictions, de gloire. Un moment, s'interrompant pour chasser les moustiques qui lui livraient des assauts répétés, il s'aperçut qu'il n'était pas seul. À l'extrémité de la clairière où il se trouvait, un individu aux yeux perçants suivait ses moindres mouvements et lui prêtait une attention soutenue mêlée de curiosité. Surpris, il regarda à son tour l'intrus qui s'était glissé là sournoisement et vit un énorme singe de la taille d'un orang et de la famille des cynocéphales, avec lequel il risquait fort de passer un mauvais quart d'heure. Parmi les innombrables singes qui peuplent les forêts du royaume de Siam, il en est un le moins commun, que l'on confond quelquefois avec le babouin, d'une férocité égale à celle du mandril. Aimant peu la compagnie, on le rencontre ordinairement isolé. Alors, tant pis pour celui qui a la mauvaise inspiration de l'irriter, un geste, une menace, un sourire, suffisent pour le mettre hors de lui, s'il est mal disposé, et généralement il est de détestable humeur. L'homme l'effraie si peu qu'il s'élance fréquemment au-devant de lui, le saisit par le corps ou par le cou en grinçant des dents, en aboyant, en riant même d'une façon satanique, selon l'expression de divers voyageurs, et qu'il l'assomme ou l'étrangle. Tungug en avait entendu parler, et il devina de suite quelle sorte d'ennemi venait de lui tomber sur les bras. Et comme il ne tenait pas plus à être étranglé qu'à être assommé, il se mit en devoir de se défendre, non sans avoir préalablement touché les amulettes et les reliques qui pendaient sur sa poitrine. Son premier mouvement fut de céder la place au singe et d'aller camper autre part. « Si Satanier est ici, réfléchit-il, il ne s'en ira pas, et il faudra que je le tue pour vivre paisiblement dans son domaine. donnons-lui l'exemple de la conciliation, en reprenant notre route. » Et il remit son sac sur son épaule, passa son bâton ferré dans les courroies de celui-ci, et tint sa hache d'une main ferme. Par superstition, il hésitait à se servir de son revolver. Partageant les scrupules de ceux de ses compatriotes qui craignent, en usant d'armes à feu sous bois, de contrarier, de mécontenter les esprits, les génies des forêts, et ayant besoin de la bienveillance de ces génies dans la recherche de l'éléphant blanc, ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'il aurait, dans cet endroit, brûlé une cartouche pour sa défense. D'ailleurs, il venait de tirer son couteau de chasse, et il estimait qu'ayant une arme blanche dans chaque main, il combattrait facilement contre un singe de grosse espèce. Peut-être se trompait-il. Dès qu'il tenta de s'éloigner, le cynocéphale, qu'il observait avec une immobilité apparente, accroupi sur l'herbe, grimaça, poussa un cri strident prolongé et bondit pour lui barrer le chemin. Il se recula effrayé et chercha à échapper par une autre voie. Même manège de la part du singe qui parut vouloir le retenir prisonnier. La clairière n'ayant que deux aboutissants, Tungug, empêché de passer par l'une ou par l'autre de ses issues, revint à sa première place où, examinant sa situation, il se demanda s'il ne devait pas se frayer, dans le fourré contre lequel il s'appuyait, une route à coups de hache. De nouveau, le cynocéphale et lui se regardèrent dans le blanc des yeux, l'un extrêmement impressionné et debout, l'autre sombre, dur et presque à quatre pattes. Une compagnie de vautours qui planait au zénith s'abattit sur des blocs de granit voisins dans l'intention de suivre les péripéties du duel et de se partager le cadavre de celui des deux adversaires qui succomberaient. Tungug ne s'y trompa point, et son courage, loin d'en faiblir, redoubla. Résolu à en finir, il s'avança, la hache levée, contre le singe qui se mit à sauter, à gambader autour de lui, en faisant claquer sa redoutable mâchoire, et en cherchant à le prendre par derrière. Cet exercice dura plusieurs minutes, au bout desquelles l'Indien, baigné de sueur, s'arrêta pour souffler. Tandis qu'il se décidait à user de son revolver, et demandait mentalement pardon aux divinités forestières pour le sacrilège qu'il allait commettre, le singe s'élança, sans lui laisser le temps de se mettre sur la défensive, l'empoigna par son toupet de cheveux et l'attira d'un bras musculeux en criant par saccades et les yeux à demi fermés. Épouvanté, l'Indien, appelant à son aide toute son énergie, repoussa le quadruman qui culbuta et l'entraîna dans sa chute. Devenu furieux, l'animal chercha à mordre, à étrangler, et pendant quelques secondes, la lutte resta indécise. Par bonheur, l'Indien, qui n'avait pas lâché sa hache, put en appliquer le tranchant sur le cou de son adversaire, et le combat cessa bientôt. Quand Tungug se releva, il avait une morsure à l'épaule gauche et des égratignures par tout le corps, mais le singe se débattait par terre, la tête à moitié coupée. La redoutable bête se raidissait dans sa dernière convulsion, pendant que son vainqueur soufflait, s'épongeait, examinait ses blessures et les déchirures de son vêtement, lorsque les vautours s'abattirent sur son cadavre. « Hé, j'en veux ma part !» s'écria l'Indien, en s'emparant de son bâton et en tombant, à bras raccourcis sur les rapaces qui grondèrent, donnèrent des coups de bec, se cramponnèrent sur leur proie et en arrachèrent des lambeaux qu'ils avalèrent gloutonnement. Cela n'empêcha pas Tungug de tenir bon. Étant sorti vainqueur d'une lutte épique, il n'allait pas se laisser intimider par de vils oiseaux. Il continua donc à frapper à tort et à travers, jusqu'à ce que les vautours se fussent retirés à distance. Alors, ramassant son couteau, il coupa, dans le corps du singe, une bande de chair de 4 à 5 livres, après quoi, abandonnant le reste, « Tenez, » dit-il au rapace qui le regardait avec colère, « remettez-vous à table, j'ai ce qu'il me faut. » Et il retourna à sa première place, où il entassa des branches sèches pour allumer du feu. Les vautours se précipitèrent une seconde fois sur le cadavre du cynocéphale, se le disputèrent, et en 10 minutes, l'eurent dévoré sauf les gros os. Contents et repus, ils allèrent ensuite digérer sur un gigantesque araignée voisin, d'où ils regardèrent l'Indien avec placidité, tout en secouant leurs ailes. Tungug, ayant obtenu du feu à l'aide de son briquet, et formé une sorte de foyer au moyen de branches d'arbres, fit rôtir son filet de singe. Quand il vit ce filet cuit à point, il le saupoudra de sel et le mangea, non seulement en affamé qui depuis longtemps n'a rien eu de substantiel à se mettre sous la dent, mais aussi en gourmet qui tient un morceau de choix. Les Sirmois sont friands de la viande de quadrumane, et ils s'en rassasient sans scrupule, quoiqu'ils tiennent le singe pour un être mystérieux, presque supérieur. Cette passion ne leur est pas particulière du reste. Un peu partout, plus les hommes chérissent leur divinité, plus ils les mangent avec plaisir quand elles sont mangeables. Son festin terminé, Tungug, altéré, reprit son bagage et, saluant les vautours de la tête et de son bâton, partit à la recherche d'une source ou d'un cours d'eau, en remerciant Bouddha de l'avoir si bien tiré de danger durant cette laborieuse journée.